Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez une interdiction, des chocolats, plein d'envie, et vous obtiendrez le trésor en chocolat. Elle pousse discrètement la porte du salon. Sur la cheminée, elle entrevoit les chocolats auxquels elle n'a pas le droit de toucher. Personne à l'horizon. Elle rentre sur la pointe des pieds. Un malencontreux pas de travers la fait glisser. Elle tombe, se rattrape au lampadaire, mais s'effondre avec fracas. Une voix d'ogre tonne. Des pas sourds font trembler la maison. Elle se réfugie sous le canapé. Le géant surgit. Elle se mord la main pour s'empêcher de crier. Il rôde. Elle est prise au piège. Il va la trouver. Mais non, il soupire et s'en retourne à ses occupations. Plus immobile et silencieuse qu'une tombe, elle attend le cœur battant. Elle finit par sortir de sa cachette, se relève et d'un pas triomphant se dirige vers son trésor chocolaté.